explorateur à travers deux figures, une du 19e siècle, Guillaume Lejean, et une autre du 20e siècle, Odette de Puy-Godeau, alors qui n'est pas forcément allée en Afrique noire, mais plutôt dans l'Afrique sahélienne. Désolé, je suis vraiment frigorifié. Donc, peut-être en préambule aussi rappeler quelques spécificités géographiques et historiques qui peuvent expliquer la présence de Bretons dans les entreprises coloniales. Donc d'abord, c'est la Bretagne d'abord une région maritime. Depuis l'Antiquité, elle est insérée dans les grands flux mondiaux, enfin, du moins européens, maritimes. La présence de ports militaires, comme on le verra aussi, a pu favoriser l'entrée des Bretons dans la marine. Je tiens aussi à signaler aussi un phénomène qui a vraiment forgé aussi la Bretagne de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, c'est l'industrie toilière. Si j'y fais référence, c'est parce qu'elle explique la présence de Bretons dès le XIVe siècle dans plusieurs ports andalous. À Sanlúcar de Barrameda, par exemple, il y a eu un quartier breton jusqu'au XVIe siècle, et nommé en tant que tel. Parce que, je le signale parce que c'est dans les ports andalous que vont partir après les grandes expéditions colonisatrices espagnoles. On retrouve aussi beaucoup de marins bretons au Portugal au début du XVIe siècle. Il y en a plusieurs qui sont attestés dans l'expédition de Magellan. Donc on voit que dès la fin du Moyen-Âge, ils sont insérés dans les aventures européennes maritimes. La question, même si c'est de l'Uchronie, mérite d'être posée, de savoir si la Bretagne avait conservé sa souveraineté après 1532, se serait-elle elle-même lancée dans des entreprises coloniales. Je signalais la force de l'industrie, enfin de la pré-industrie toilière en Bretagne, parce qu'elle a favorisé le développement de toute une marine. Je pense surtout au XVIIe siècle, aux Malouins, qui donc vont mettre un système d'économie régionale, vraiment régionale, puisque le lin est souvent cultivé dans le Trégor ou le Goëlo. Il est ensuite tissé dans ce qu'on appelait la manufacture des toiles de Bretagne, un triangle entre Loudéac, Quintin et Uzel. Puis il est expédié par bateau depuis Saint-Malo, qui va connaître dans la seconde moitié du XVIIe siècle une prospérité assez extraordinaire. Et notamment parce que les Malouins construisent et arment des bateaux, et des bateaux presque militaires, qui en font les convoyeurs de fond en Europe, notamment entre entre l'Atlantique Nord et la péninsule ibérique. Ils sont d'ailleurs très implantés dans la région de Cadix, où ils ont plusieurs maisons de commerce. Et c'est à Cadix qu'arrive l'or des Amériques, et où les toiles bretonnes sont, dans les colonies espagnoles, les toiles bretonnes sont particulièrement appréciées. Évoquer les Bretons en Afrique et en Amérique du Sud, c'est aussi bien sûr le XVIIIe siècle, avec le développement de la traite négrière, qui s'explique d'ailleurs en partie par une crise économique avec l'Espagne. L'Espagne a relevé, au début du XVIIIe siècle, a relevé ses droits douaniers, si bien que la manufacture des toiles bretonnes va connaître une crise assez forte, avant de disparaître même au XIXe siècle. Et nombre des armateurs bretons, particulièrement les Nantais, vont se reconvertir dans la traite. Alors là, j'ai emprunté beaucoup à Petré Grenouillot, hein, qui est le spécialiste, je ne suis pas spécialiste de la traite, mais lui signalait d'ailleurs qu'entre 1707 et 1731, la part des ports bretons dans l'armement négrier oscille entre 74% et 86%. C'est dire l'implication des Bretons dans la traite négrière. Ce n'est pas qu'un phénomène nantais, hein, on a aussi des Lorientais, pas mal de petits armements aussi dans les petits ports, Concarneau, et des Malouins bien sûr encore. Le plus célèbre étant le père de Chateaubriand qui a refait fortune avec la traite négrière. Donc cette traite, enfin la part des Bretons dans la traite va durer d'ailleurs après la Révolution, qui dans un premier temps abolit l'esclavage, avant qu'il soit, qui soit rétabli par Napoléon en 1803. Donc sous la Restauration, même si la traite n'est plus autorisée, 70% quand même de la traite clandestine est assurée encore par les Nantais. Donc après la traite, peut-être plus au 19e siècle, on va rappeler déjà l'importance de l'armée, de la marine dans l'économie bretonne, dans le tissu socio-économique breton. C'est le principal employeur au 19e siècle, avec deux ports militaires, donc Brest et Lorient, après le déclin de la Compagnie des Indes au 18e siècle. Quoi. La disparition, Lorient s'oriente vers une vocation plus militaire. Cela explique bien sûr la très forte présence de Bretons dans la marine, d'autant que la marine peut puiser aussi dans toutes les... sur le littoral breton, pour recruter sur le littoral breton déjà formé au métier de la mer. Alors évidemment, là, j'ai pas pu dégager de comportement spécifique de Breton dans la conquête coloniale française, hein, qui se développe vraiment en Afrique au XIXe siècle. Je me suis concentré sur Édouard Boëte Villaumez, qui a été donc qui a fini amiral, et qui a joué une part très importante. Alors, il est né en 1808 à Brest. Édouard Boëte. Il est de la famille, il est apparenté à Boëte et Perrin, qui ont fait la galerie armoricaine. Tu as dit Boëte et après on n'a pas entendu le... Villaumez, pardon, W-I-2-L-A-U-M-E-Z. Qui était en fait le nom de son père adoptif, lui-même amiral. Donc il va le lancer. Donc après, il a un parcours assez classique dans la marine. Hein, il intègre l'école navale, dont il sort en 1824. En 1829, il est officier lors de l'expédition d'Alger, qui va marquer le début de la colonisation française de l'Algérie. C'est surtout sous Louis-Philippe où il va connaître une certaine ascension. Et où il va passer de nombreuses années en Afrique. En 1834, il est nommé au Sénégal, où il va d'ailleurs mener plusieurs expéditions militaires et géographiques. En 1836, il est ainsi un des premiers Européens à remonter le fleuve Sénégal sur plus d'un millier de kilomètres avec un aviso à moteur, enfin, à vapeur, pardon. Il sera d'ailleurs le seul Européen à revenir vivant, parce que les autres sont morts de maladie. L'année suivante, il commande un brick pour explorer le littoral entre la Gambie et le Gabon, afin de repérer justement les emplacements idéaux pour installer des comptoirs commerciaux français dans cette région. Il est à l'origine d'une véritable route commerciale dans cette région notamment. En 1838, il obtient d'ailleurs un accord de plusieurs chefs de tribus de la côte des Maljans, l'actuelle Côte d'Ivoire, et qui vont, grâce à son action, qui vont se placer sous la tutelle française, sous l'autorité française. Donc là, on est vraiment au début de la colonisation de l'Afrique de l'Ouest par la France. À l'embouchure du fleuve Gabon, il passe aussi un accord avec un personnage, j'arrive pas à le... Anchoué Koé Raponchombo, surnommé le roi Denis, qui était un chef coutumier qui avait d'ailleurs trempé dans la traite des Noirs et qui s'était enrichi comme ça. En 1839, avec Édouard Boëte, d'ailleurs, ils vont signer un traité et il va céder des terrains aux Français sur la gauche du fleuve Gabon. En échange, d'ailleurs, comme c'était souvent le cas, Boëte va châtier... dans le vocabulaire de l'époque, des tribus africaines qui avaient pillé des vaisseaux de commerce français et qui s'attaquaient aussi aux intérêts du roi Denis. Donc on a aussi une interpénétration entre colonisateurs et colonisés. En 1841 et 1842, il est nommé commandant de la station extérieure pour l'Afrique et commande plusieurs navires. Il est même nommé en 1843 gouverneur provisoire du Sénégal. Où il va s'attacher à développer les infrastructures françaises au Gabon, et notamment le fort d'Aumale. Sa carrière se poursuit encore pendant 4 ans en Afrique, Donc, pour Louis-Philippe, il va vraiment assurer et maintenir la présence française, notamment en Guinée et au Gabon. Voilà. Le reste de la carrière après Louis-Philippe sera plus européen. Il continuera sa carrière sous le Second Empire avant de finir amiral et de mourir un peu après la guerre de 70. D'une maladie du foie, précise sa biographie, attrapée au Sénégal. Donc, un souvenir d'Afrique. Je le dis parce que c'est toujours intéressant quand on est historien aussi d'évoquer les lieux où ces personnages ont pu laisser des traces. Bouette reste présent au Sénégal à travers des noms de villes ou de quartiers. Il y a un quartier Bouetteville à Saint-Louis du Sénégal, qui était l'ancienne capitale du Sénégal français, et surtout au Gabon, puisque c'est lui qui a aussi créé Libreville en 1849, après l'abolition de l'esclavage, pour héberger une cinquantaine d'esclaves libérés et créer, dans le vocabulaire de l'époque, un village chrétien et français. Aujourd'hui, c'est la capitale du Gabon, avec 600 000 habitants, et l'avenue principale, qui est l'avenue Bouette. Voilà. Après le sabre, le goupillon. J'ai voulu plutôt parler des religieux bretons dans la colonisation, ou parfois même à côté, puisque dès le XVIe siècle, on le voit, surtout dans les colonies espagnoles, il y a des conflits entre l'Église et l'administration coloniale, notamment sur la question de l'évangélisation des Indiens et des esclaves. Nombre de colons espagnols, mais aussi portugais et français, refusant que les Noirs soient baptisés, parce que ça les mettait sur un pied d'égalité avec eux, quoi. Donc il y a toujours eu un rôle un peu spécial de l'Église, à la fois auxiliaire du colonisateur, dans une certaine manière, amenant certaines, comme on disait à l'époque, les vertus civilisatrices européennes, mais aussi de défense des indigènes et d'implication dans leur émancipation. Et c'est très clair pour une congrégation qui a été créée au XIXe siècle, donc par deux intellectuels bretons un peu oubliés, donc Félicité de Lamennais et Jean-Marie de Lamennais. Donc ils sont nés avant la Révolution, ils ont été très marqués d'ailleurs par cet épisode. Ils sont ordonnés prêtres au début du XIXe siècle. Jean-Marie surtout, Félicité avait plus de doutes sur sa vocation. D'ailleurs, il finira en rupture de l'Église. Mais en 1815, ils publient tous les deux des considérations sur l'état de l'Église, dénonçant la déchristianisation de la société, etc., qui en font un peu des vedettes littéraires pour l'époque. On parle d'ailleurs de Félicité de Lamennais comme un Voltaire chrétien. Ceci dit, 15 ans après, il rompra avec Rome sur la question justement devant le refus de la papauté de soutenir les insurrections polonaises. Et donc il aura une rupture particulièrement violente avec Rome. Il finira d'ailleurs socialiste, député socialiste sous la Seconde République. C'est plus Jean-Marie Lamennais là, qui m'intéresse. Donc lui, il va occuper des charges assez importantes à Paris et dans l'Église française jusqu'en 1818, où il revient à Saint-Brieuc pour seconder l'évêque de Saint-Brieuc. Très vite, il va se lancer dans la création d'une congrégation qu'on appellera les Frères de l'Instruction Chrétienne pour justement... pour développer l'enseignement en Bretagne. Alors cette congrégation est restée très très implantée essentiellement sur les cinq départements en Europe, essentiellement sur les cinq départements bretons, quoi. Il y a une autre école des frères de Ploermel en Anjou et une autre au Pays Basque, encore aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que tu as eu du mal à Ploermel. Ouais, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1836-38, le gouvernement français va approcher les frères de Ploermel, les frères de l'instruction chrétienne, pour évangéliser les esclaves dont on prépare l'abolition. Donc, ils n'étaient d'ailleurs pas à l'époque pas implantés en Finistère, puisque Jean-Marie de Lamennais était aussi un des tenants de l'ultramontanisme. Donc, accordant la primauté au pape, et l'évêque du Finistère à l'époque était très gallican, donc il n'avait pas autorisé les frères de l'instruction chrétienne à s'installer là. Et donc ils vont s'installer à partir de 1838 en Finistère pour avoir un relais avant d'embarquer à Brest. Et donc ils vont être chargés à la fois dans les colonies africaines, mais aussi en Amérique du Sud, d'évangéliser et d'instruire les esclaves. Alors, ils y sont toujours d'ailleurs très présents, notamment à Haïti, où souvent ils contrôlent toujours plusieurs lycées et établissements là-bas. Alors, je parle d'Haïti parce que il s'y est passé quelque chose d'assez spécial entre la Bretagne et ce pays, qui malheureusement est souvent sous les feux de l'actualité pour d'autres questions. Alors, il faut savoir que l'implantation française date là du XVIIe siècle, vers 1650. On a les premières implantations françaises, notamment sur l'île de la Tortue. Puis sous Louis XIV, l'île devient une colonie française. Elle est alors considérée comme la perle des Antilles, à cause de la culture de l'indigo et du sucre. Et c'est une des colonies qui rapporte le plus à la France à l'époque, au Royaume de France. 1793, c'est le début de la guerre d'indépendance, avec le personnage assez fameux de Toussaint Louverture, qui sera plus ou moins de fait à partir de 1804. Puis le pays va accéder à l'indépendance pleine, mais devra payer des fameuses indemnités à la France, qu'ils ont mis pratiquement 100 ans à payer. Le pays est en proie à des coups d'État réguliers, à une insécurité chronique. En 1844, d'ailleurs, la partie de langue espagnole qui fait sécession, et donc plus de la moitié de l'île devient la République dominicaine. Cette instabilité gouvernementale à Haïti explique que le pays ait mis du temps avant d'obtenir un concordat avec le Vatican, avec Rome, qui ne sera accordé qu'en 1860. Se posait alors à l'Église le problème de former des prêtres locaux. Et en fait, le pape nomme comme premier archevêque Monseigneur du Cosquer, originaire de Quimper, qui inaugure une longue liste d'archevêques pratiquement jusqu'aux années 1920. Tous les archevêques d'Haïti sont bretons. Le second archevêque est Monseigneur Guillou. La quasi-totalité des évêques sont également bretons. Alors là, j'emprunte à un historien de Lyon, Philippe Delisle, qui a fait une étude justement, mais uniquement à Haïti. Il n'est pas trop allé chercher justement les ramifications bretonnes. Mais lui parle de Bretagne noire, quoi. Donc, dans cette situation très particulière d'Haïti, entre 1860 et 1915 marquant une rupture importante, puisque c'est l'invasion américaine. Les Américains envahissent Haïti et ils n'en repartiront qu'en 1934. Mais pendant l'occupation américaine, en fait, ça marque aussi une plus forte implantation du protestantisme à Haïti. En tout cas, en 1890, oui, trois quarts des 107 curés en poste à Haïti sont bretons. Alors, dans leur comportement, il n'y a pas forcément quelque chose de... Ah oui, si, ce qui est intéressant aussi, le séminaire d'Haïti, donc en 1860, est créé à Nantes. Et donc j'ai des traces, mais sans confirmation, là, d'un petit séminaire pour Haïti, qui était lui à Lampol Guimillot, mais qui n'a pas duré longtemps. Le séminaire était Oui, à côté de Nord, pardon. Donc on a quand même quelque chose à vous dire. Spécialiste. Voilà. Alors, pas de... Enfin, on est dans un comportement de religieux européen assez classique, hein, pas forcément plus d'empathie vis-à-vis des particularités haïtiennes. On a justement des évêques bretons qui luttent avec vigueur contre le vaudou, qui est l'autre pratique cultuelle en Haïti. Notamment un monseigneur de Kersagan, qui était évêque du Cap-Haïtien dans les années 1890. Alors, même si après les années 20, la présence du clergé breton est moins forte à Haïti, elle continue. Hein. Elle perdure même encore aujourd'hui. Hein. Plusieurs religieux bretons, d'ailleurs, sont morts dans le tremblement de terre d'Haïti cette année. Et à titre d'exemple, la seule fille de l'abbaye de Landévennec, donc la seule abbaye fondée par la communauté de Landévennec, l'a été à Haïti dans les années 70. Donc, concernant les missionnaires bretons, on n'a pas forcément, à mon avis, de comportement particulier, même si on a une très forte proportion là aussi de bretons, notamment ceux venant des régions les plus catholiques de la péninsule, le Léon et le Vannetais. Je dirais d'ailleurs qu'il reste là aussi un lieu de mémoire en Bretagne assez atypique, c'est à l'abbaye de Langonnette où on a un musée d'art africain et océanien, donc des œuvres d'art qui ont été ramenées par ces missionnaires. C'est une maison de retraite de Père Blanc notamment, qui est en train de fermer par contre. Donc je ne sais pas ce que deviendra le musée, mais il est vraiment intéressant et avec un regard assez empathique justement sur ces cultures. Donc troisième catégorie, j'ai voulu parler des explorateurs un peu. Des explorateurs et donc parce qu'on en trouve aussi. Alors le regretté Bernard Lenaille en aurait sûrement parlé mieux que moi. Mais on a quand même beaucoup de Bretons qui sont partis, qui ont fait partie soit d'expéditions, soit par leur destin individuel, ont contribué aussi à l'exploration du monde. Ont-ils pour autant développé un regard lier leur conscience bretonne au peuple qu'ils découvraient? Je pense que dans certains cas, c'est possible. Notamment, donc, Guillaume Lejean, alors qui naît en 1824 dans le Trégor, à Plouagat-Guéran. Comme il est assez doué pour les études, il fait des études secondaires, il écrit déjà des premiers articles dès 1841 dans des journaux locaux, et se passionne pour les biographies et l'histoire de Bretagne. Il est assez proche à l'époque du courant bretonniste, donc c'est tous ces historiens qui, au début du XIXe siècle, vont remettre en valeur l'histoire de Bretagne, le plus connu étant bien sûr Arthur de la Bordée. Ceci dit, la particularité, parce que beaucoup d'auteurs bretonnistes étaient quand même plutôt royalistes et plutôt catholiques, lui, Lejean, est républicain. Dans les années 1840, il a une correspondance assez soutenue avec Michelet, qu'il rejoint en 1848. En 1848, il est encore employé à la sous-préfecture de Morlaix, mais comme il s'ennuie ferme, il monte visiter Michelet, et là, la révolution éclate. Il va rester donc plusieurs années sur Paris. Il devient notamment le secrétaire de Lamartine, qui... alors, Lamartine était marié à une Galloise, pour l'anecdote, et... aurait dû faire partie de la délégation bretonne à l'Estée de Vaud de 1838, où on retrouvait la ville marquée et tout ça. D'ailleurs, Lamartine avait composé un poème pour cette délégation. Bon, là, je m'égare un peu. En tout cas, dans les années 1850, même s'il est républicain et assez mal vu par les autorités impériales, il va quand même obtenir plusieurs bourses pour des missions d'ethnographie. Et je pense que là, peut-être, sa conscience bretonne a joué dans sa passion pour l'ethnographie, puisqu'il va... Il va notamment faire un périple en Europe de l'Est, enfin dans les Balkans, en Moldavie, en Valachie, Bulgarie, où il s'attache justement à décrire les différents peuples qu'il rencontre là-bas. Et surtout, en 1860, il embarque pour l'Afrique. Il remonte le Nil, traverse le Soudan. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Khartoum... Il envoie un rapport dénonçant justement l'esclavage. Il décrit la ville comme une ville de 40 000 âmes, aimable et hospitalière, à la surface, ignoble au fond. La traite des nègres est la plus éhontée, alimente ce luxe. Il va s'enfoncer plus au sud, vers les sources du Nil, dont il est le premier, non pas à visiter, mais à dresser un relevé cartographique rigoureux, quoi. Mais il est détroussé en chemin et doit revenir en Europe. Deux ans plus tard, en 1862, il repart en Afrique. Il a été nommé vice-consul de France à Massawa, à la frontière de l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Le pays alors fermé, mais bon, il tente quand même de développer des relations diplomatiques avec l'Éthiopie, enfin l'Abyssinie à l'époque. Il est accueilli par le Négus, donc l'empereur Théodore II. Alors il y a une description assez savoureuse. Théodore me fait penser par ses bons et ses mauvais côtés à un autre grand barbare, Charlemagne. Il a un esprit sage et pratique, à chercher le perfectionnement de sa nation dans les propres éléments de cette nation. Néanmoins, bon, le Négus, lors d'une expédition militaire, est fait prisonnier. Et donc le Jean va être lui aussi retenu prisonnier plusieurs mois, ce qui va lui permettre de bien observer la société éthiopienne. Donc je ne sais plus combien il y a d'ethnies en plus en Éthiopie, mais enfin il est un des premiers Européens justement à faire un descriptif de toutes les ethnies éthiopiennes quand il va revenir en France. Alors il est inscrit à la Société de Géographie. Il publie régulièrement, donc il se fait justement connaître par Voyage aux Deux Nils et son voyage en Abyssinie, donc des comptes rendus. Voilà. Donc on a un Breton qui est devenu un grand explorateur en fait, et qui jette un regard assez anthropique sur la complexité ethnique des pays qu'il visite. Alors il est mort en février 1871, de retour d'un voyage. Il a fait notamment aussi pas mal de voyages dans l'Empire ottoman de l'époque, où il a fait aussi des cartes et des relevés ethnographiques. Alors deuxième personnage un peu sur comme explorateur, Odette de Puy-Godeau, qui est née en 1894 à Saint-Nazaire. Son père est un peintre, il a fait partie de l'école de Pont-Aven. Et elle a toujours d'ailleurs aussi revendiqué des ancêtres négriers de Nantes. Alors, P-U-I-G-A-U-D-E-D-E-A-U. Pas loin. À partir des années 20, elle monte à Paris où elle va suivre des cours d'océanographie parce qu'elle rêve justement de partir explorer l'Afrique. Elle a aussi une très belle plume, donc elle commence dans le journalisme. Et à partir de 1929, elle revient en Bretagne. Alors elle milite quelques temps au Parti autonomiste breton. Mais surtout, elle va se faire un nom en faisant des reportages sur des campagnes de pêche où elle part plusieurs jours, où elle intègre l'équipage, notamment sur les thoniers de Groix. Donc des reportages qui la font connaître. Quelques années plus tard, à partir de 1934, elle va mener plusieurs expéditions avec sa compagne Marion Sémone en Afrique. Sahélienne surtout, donc elle va explorer à dos de chameau la Mauritanie, elle suit les caravanes du sel, c'est assez étonnant, de femmes dans les années 30 qui partent seules, accompagner ces grandes, pendant des centaines de kilomètres, ces grandes expéditions. Quoi. Elle en ramènera d'ailleurs plusieurs livres qui sont toujours édités, hein, notamment à pied dans le Sahara. Qui est toujours édité par Phébus et qui est un livre assez, assez étonnant. Elle était d'ailleurs très admirée par Théodore Monod, hein, spécialiste du désert aussi. Donc voilà. Je prends un peu de café, je reprends mon souffle. Alors, Odette de Puy-Godeau, qui avait donc été proche du parti autonomiste breton dans les années 20, a elle, par contre, un regard très sympathique sur les Mauritaniens ou les nomades du désert qu'elle visite, sur l'Afrique en général. Et d'ailleurs, elle a toujours, dans plusieurs textes, elle a expliqué que cette conscience bretonne l'avait justement amenée à mieux appréhender ces réalités qu'elle avait eues là-bas, quoi. Et je me souviens d'un documentaire d'ailleurs qui avait été fait sur elle par Brigitte Chevet, où on voit l'ambassadeur de Mauritanie qui la présente avant tout comme bretonne, et non pas comme assimilée aux institutions coloniales de l'époque française. Quoi. Voilà, bah donc j'ai fait un peu mon tour. Alors j'ai eu une difficulté dans cette recherche à synthétiser, hein, je le revendique, à dégager des grandes lignes de force parce que les comportements sont tellement individuels. D'autre part, on se situe quand même dans les pratiques de voyage au long cours où les destins individuels priment, je pense, priment avant tout. On voit quand même que les Bretons, quand ils sont engagés quand ce sont des militaires bretons qui participent à la colonisation, ils le font sans état d'âme et sans différence, à mon avis, avec le reste des militaires français. On a une attitude un peu plus spécifique du clergé breton par sa présence en masse dans les missions, quand même. Notamment la trace qu'il laissera sûrement dans certains pays, comme Haïti. Quoi. Et enfin, des explorateurs dont certains ont au départ une conscience bretonne, qui, à mon avis, leur donne un regard assez différent sur sur l'Afrique qu'ils découvrent ou sur d'autres continents. Quoi. Et en tout cas, sur les réalités ethnographiques de ces pays. Voilà. Bon, ben, je suis allé vite. Donc, la parole est à la salle pour les questions. Juste une question, Edouard Douet-Villomès, où est-ce que tu as trouvé tous tes renseignements? Parce que alors, je suis en train de travailler pour le faire éditer et j'ai plein de trucs sur le roi Denis. Ouais. Et j'avais pas le truc là. Donc voilà. Écoute, je suis parti, lui. Il y a une grande notice dans Explorateur Breton par Bernard Lenaille. Et sur Gallica, j'ai trouvé sa vie, son œuvre, écrit par lui-même. Et j'ai pas la référence là, mais je la retrouve et puis je te... Ouais. Merci. Je voudrais ajouter deux petites choses sur les missionnaires, pour aller un petit peu plus loin. Alors, s'agissant d'Haïti, c'est pas uniquement... J'avais des gens qui sont partis, il y a eu les pères de Saint-Jacques, la fondation. Oui, c'est Saint-Jacques aussi. Ah oui, parce que ça se poursuit, mais justement, c'est dans les premiers évêques sont bretons, et ensuite décident de constituer quelque chose d'extrêmement particulier, qui s'appelle la Société des pères de Saint-Jacques. Hein, c'est pas une congrégation, parce que c'est pas comme les frères de Plohermel, c'est pas des religieux, c'est des prêtres, et ça continue. Ça continue. Moi, je vais régulièrement en Haïti. Quand j'y vais, j'habite chez eux. D'accord. Hein, donc, il y a encore des jeunes bretons, enfin, des gens de 45 ans, et qui sont pères de Saint-Jacques et qui sont très, très actifs. Et du coup, ça, c'est bien sûr, c'est pas lié. On ne peut pas le lier à un épisode colonial, dans la mesure où ça, c'est la Société des pères de Saint-Jacques, est quand même assez récente, c'est constitué bien après l'indépendance d'Haïti. Et par ailleurs, vous avez oublié une figure importante qui est bretonne, c'est celle de, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, c'est Claude-François Poulard-Desplaces. Est-ce que c'est un nom que vous connaissez? Parce que c'est le fondateur, le premier fondateur d'une grande congrégation missionnaire qui s'appelle les Pères du Saint-Esprit. Hein. Et donc, il y a même eu pendant jusqu'à très peu de temps, donc une paroisse rennaise qui s'appelait le Centre International Claude-François Poulard-Desplaces. Ensuite, il y a eu une réforme par Liberman. Hein. Alors lui, il n'est pas breton, hein, donc je pense que c'est quelqu'un de... Oui, vous connaissez son histoire aussi de Liberman. Il est juif au départ. Oui, il est juif au départ. Hein. Et donc, alors, il y a quand même un élan breton au départ, et un retour quelque part, parce que jusqu'à il y a peu de temps, je n'ai pas révisé du tout, hein, donc c'est de mémoire, donc il y avait une maison de retraite des Pères du Saint-Esprit à Pirée-sur-Sèche. Donc tout près d'ici, et où des vieux pères venaient en retraite après leur épisode missionnaire qui pouvait durer 60 ans. J'ai l'impression que ça doit être, parce que c'est des espèces de châteaux, puis il y a un effet d'implosion, bien sûr, et je crois bien que ça a été vendu. Mais donc les pères du Saint-Esprit, c'est quand même aussi assez lié à la Bretagne, aussi bien au départ que... Ouais. C'est pas la fin, hein, mais je veux dire qu'il y a une fin de certains d'entre eux qui se faisaient en Bretagne. Il y a un phénomène aussi, oui, j'ai oublié d'en parler, c'est au moment des lois de séparation de l'Église et de l'État, les congrégations sont interdites en France, en métropole. Donc beaucoup de congrégationnistes vont partir, vont quitter. Et c'était particulièrement bien implanté en Bretagne. Mais il faut savoir que la République, qui luttait contre les congrégations sur son sol, a encouragé ces congrégations à faire œuvre missionnaire en Afrique. Alors, l'histoire des Pères de Saint-Jacques est assez sympathique, d'ailleurs, parce qu'en fait, ils n'étaient, par exemple, pas du tout, évidemment, des suppôts de Duvalier. Ils se sont tous fait renvoyer, et beaucoup sont partis au Brésil, et du coup, on en trouve encore au Brésil à l'heure actuelle. Et après la chute de Duvalier, certains sont revenus en Haïti, et d'autres sont restés au Brésil, où j'en ai croisé, d'ailleurs. Mais alors, c'est intéressant aussi. Ouais. Si vous connaissez bien là-bas ce pays, est-ce qu'il y a une forme, est-ce qu'ils ont une forme particulière? Ouais, une forme particulière. On pense nous au curé breton, avec assez sensible, avec des manifestations de la foi en Bretagne qui sont assez spécifiques. Ceux que je connais, c'est Michel Brien, donc et lui est d'Ille-et-Vilaine, André Sioran, André Le Barzic, donc qui se revendiquent, qui sont eux de du Morbihan. Vraiment, ils portent, moi je ne suis pas breton, hein, mais je vis en Bretagne depuis 35 ans, bon, ils portent vraiment la Bretagne avec eux, ils ont vraiment envie d'en parler. Et donc leur rôle important, effectivement, c'est de former des jeunes haïtiens. Et à l'heure actuelle, il y a même un jeune haïtien futur père de Saint-Jacques qui est en formation au séminaire de Rennes. Hein, donc c'est quelque chose qui reste actif. Mais là où je m'interrogeais un peu, c'est par exemple par rapport... Bon, on voit que les évêques luttent contre le vaudou, mais le vaudou, c'est aussi des pratiques populaires. Des fois, comme il peut exister en Bretagne, des pratiques un peu spéciales, de culte des saints. Est-ce qu'ils ont montré une adaptation particulière là-bas ou... Ça, je ne pourrais pas dire. Ouais. Je ne pourrais pas dire, mais si quelqu'un s'intéresse à ça, on en rencontre. Bon, leur maison de retraite, qui s'appelle Saint-Jacques, mais moi, malheureusement, je suis jamais très rarement dans le Finistère, mais si vous tapez Père de Saint-Jacques, hein, vous trouvez tout le lieu, et il y en a, certains d'entre eux sont curés de paroisse en Ille-et-Vilaine. Hein, donc, on a vraiment quelqu'un qui voudrait réfléchir sur le lien des Pères de Saint-Jacques au Vaudou, leur façon de faire, et historiquement, parce qu'il y a des gens qui sont des intellectuels, et donc, justement... culte des saints en Bretagne, pratique vaudou, ça peut être vraiment abordé. Parce qu'il y a encore des... Ben, je veux dire, il y a des sources considérables. Juste pour répondre un petit peu, hein, il y a différentes époques. Au 19e siècle, il y a la congrégation pour la propagation de la foi j'ai un gros trou de mémoire, vous allez m'aider, c'est ce qu'a remplacé l'Inquisition. Le Saint-Office. Et très très sourcilleux, très très sourcilleux. Et donc il y a une recherche chez tous les missionnaires. En fait, on a le bon Dieu et le diable, c'est aussi simple que ça. Le diable invente les autres religions pour copier le bon Dieu, pour détourner les gens. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ce qui n'est pas dans le rite romain, faut s'en méfier. Les Bretons sont, pour la majorité, ultramontains. Voilà. Alors, du coup, il y a une sorte de contradiction, parce que, je sais pas, quand ici on met une aiguille dans une statue en bois pour avoir un truc, bah, ça paraît normal, parce qu'on fait ça depuis des siècles et des siècles, et qu'on ne pense même pas que c'est la même chose que de faire mettre une aiguille dans une poupée ou un vaudou, quoi. Donc, mais en fait, c'est complètement le lien n'est quasiment pas fait. C'est ce qui semblait. Ouais. Voilà. Mais beaucoup plus tard. Bon, il y en a bien, je suis sûr qu'il y en a eu quelques-uns qui ont pensé à l'époque, mais en tout cas, on leur a pas donné la parole. Hein. Ça, c'est, parce que... Ouais. Ouais. Et pour ce qui est de... C'est vrai qu'à Haïti, c'était le... J'ai par exemple, c'est l'évêque Ilion, alors je crois qu'il est évêque... c'est un évêque à Haïti, je ne sais plus de quel... Cap-Haïtien. Voilà. Bon, Ilion, il est reçu par le pape, et il dit, le pape lui dit, mais alors comment vous faites? Ah, on fait tout comme à Rome. C'est très bien, mon fils. Donc, il y a une sorte de... Mais l'inculturation, c'est venu bien après. Et c'est beaucoup, c'est ce qu'on appelle les pierres de touche, que je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est beaucoup plus tard qu'on dit, bah oui, en fait, c'est les mêmes manifestations de Dieu qui ne s'est pas déclaré de la même façon. Ça, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard, au 19e siècle. Bon, c'est l'empire du démon et c'est tout. Quoi. Et il ne faut pas oublier que Mgr Lefebvre était un missionnaire. Oui, il était évêque de Dakar. Donc il était un peu dans la poursuite de ce mouvement que vous décrivez, qui n'était pas du tout dans l'acculturation. Non, parce qu'on aurait pu penser que tous ces curés Léonard qui arrivaient avec le culte de leur saint et tout ça auraient reproduit des pratiques. Ah, il y a plus peut-être, enfin, en tout cas, c'est là qu'il y a quelque chose à creuser de collectif, parce que tu parlais de. Les militaires d'un côté qui vont appliquer, je pense, les règles. D'un autre côté, les explorateurs, bon, c'est des figures individuelles. Mais là, il y a vraiment un phénomène collectif. Ouais, mais il faudrait pouvoir faire un travail anthropologique là-bas pour savoir s'il y a eu quelque chose de spécifique. Chose quand même, c'est que la plupart des missionnaires dans les premiers temps viennent de la région de la frontière linguistique, mais côté gallo. Les frères de Ploermel sont surtout implantés là, d'ailleurs. Frontière linguistique côté gallo, parce que c'est juste une question de démographie du clergé. Le Finistère a mis très longtemps à reconstituer son clergé. Alors que le Morbihan a reconstitué son clergé très rapidement. Donc du coup, la partie gallaise de la Bretagne avait une démographie ecclésiastique qui lui permettait d'envoyer du monde. Alors que dans le Finistère, c'était pas vrai du tout. Et donc là, fallait, quand ils avaient qu'un qui disait « Moi, je veux bien faire prêtre, toi, tu restes là. » Et voilà, ils pouvaient pas... on a l'exemple d'Amélinbourg. J'ai suivi moi aussi, j'ai fait comme toi, j'en ai suivi deux, trois. Et Amélinbourg, originaire de Pont-Aven, et qui ne cesse de demander l'autorisation de partir outre-mer, et on lui refuse parce que c'est vous êtes trop compétent, on a besoin de vous ici, c'est quelqu'un de brillant, non? Et alors, Amélinbourg lit Faith Abraise à l'île de la Réunion et écrit à Faith Abraise « Quel plaisir j'ai eu à lire l'histoire d'Alain Barbetorte dans votre dernier numéro. » Et puis il dit « Alors je vous donne quelques nouvelles, parce que lui aussi, ce qu'il veut, c'est des dons et des prières pour l'aider. » Et lui, il est vraiment dans le truc, le diable. Ici, nous devons lutter contre le diable et ses cornes. Enfin, Et alors, très amusant, il raconte qu'il ne peut pas envoyer les gens... il est malheureux parce qu'il voudrait bien baptiser les gens, mais ils sont à poil, quoi. Donc, on ne peut pas baptiser des gens. Alors, donc, il demande des vêtements. Et alors, il dit, voilà, j'ai le plaisir à Pâques de pouvoir baptiser et marier mes gens parce que, grâce aux vêtements de Pont-Aven que vous m'avez envoyés. Alors, j'imagine les gens avec les... mais bon, voilà, il peut avoir fait allure avec ça. C'est vrai que... C'est à quel moment précis ? Alors lui, c'est dans les années 1870 à peu près, et après il fait toutes les mascareignes. Enfin donc il est chassé au moment de la Commune, il est chassé à l'île Maurice, et puis il meurt au Canada. Voilà. Mais on en a plein comme ça, on peut les suivre. Deux choses sur les militaires. Enfin, il y a quand même des constantes. Alors là, je peux pas les expliquer ou les. J'ai interrogé des gens qui sont expatriés au Gabon. Par exemple, au Gabon, la garde présidentielle, depuis l'indépendance, est majoritairement constituée de Bretons, et c'est des Bretons qui la commandent. Il y avait Louis Martin de Guingamp, par exemple, qui a été... Donc là, il y a quand même une très forte présence de Bretons dans les expatriés français en Afrique. Alors, trouver des explications, je ne sais pas... Il y a des Corses et des Bretons, en tout cas. Les Corses, c'est 0,2% de la population française, et c'était 25% des cadres de la colonisation. Même chose pour les Irlandais, les Écossais, ils ont fait la même chose pour les Britanniques. Hein. Et juste peut-être revenir sur les congrégations, enfin, ce qui explique aussi le choix des frères de Plo Hermel par le gouvernement français en 1838, c'est que dès les années 1820, il y a une volonté de favoriser un élan missionnaire, notamment avec notre congrégation qui est dirigée d'abord par Félicité de la Monnaie, qui est la congrégation de Saint-Pierre, alors qui est une congrégation très intellectuelle, où les langues étrangères, et notamment asiatiques, rares, ou l'arabe, sont enseignées, quoi. Qui était implanté à la Létroie. Et puis peut-être que les Bretons aussi, les Bretons bretonnants, pour le truc d'après, n'ont pas de mépris pour. Puisqu'ils sont eux-mêmes, eux-mêmes été confrontés à la chose, ils vont être peut-être un peu moins enclins à mépriser aussi les cultures locales. Peut-être. Quoique. C'est pas. Quoique. Je pense que c'est très variable selon les individus. Ça dépend comment ils l'ont vécu eux-mêmes. Ouais, puis il y a aussi l'effet grégaire des communautés européennes, entre guillemets, en Afrique, où il y a des effets de groupe aussi. Et c'est vrai que quand on voit un Guillaume Lejean, sa manière de décrire l'Éthiopie en plein 19e siècle, elle est respectueuse, quoi, par rapport à ce qu'on peut. En tout cas, c'est assez difficile de dégager des lignes fortes de comportement de Bretons. On s'aperçoit quand même que depuis le Moyen-Âge, ils partent régulièrement. Mais trouver forcément des explications définitives paraît fortement ardu. Quoi. Pour répondre à ce que vous dites tout à l'heure, il y a peut-être pour la période, mais après-coloniale, il y a Vicente Favé qui nous montre justement les Bretons, mais là, beaucoup plus. Recherche des points communs, voilà. Vicente Favé dans Varoudou en missionnaire, sur les traces de le missionnaire. Il était évêque auxiliaire de Quimper en charge des missionnaires. Il y avait dans les années 70 à peu près, il y avait 700 missionnaires originaires du diocèse de Quimper. Donc c'était énorme. Donc il a fait le tour pour. Il a envoyé des articles qui ont été regroupés dans un livre. Il nous explique ce que c'est qu'un zombie, enfin, des choses comme ça. C'est souvent, en plus, dans une langue magnifique. Et puis il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, mais je pense qu'il y a dans le prolongement de ça, c'est tout le tissu associatif qu'il y a entre la Bretagne et notamment Haïti, mais aussi l'Afrique, qui est un tissu associatif dont, à mon avis, les origines sont certainement en partie religieuses. Quoi. C'est des associations para-religieuses, mais qui sont très développées, très, très, très, très importantes. Il y a des gens comme ça qui partent à Haïti, etc., qui sont dans des associations. Et il y a beaucoup de Bretons à faire ça. Là aussi, ce serait quelque chose qui serait intéressant à mieux connaître. Oui, parce que je me souviens d'une étude qu'on avait vue, nous, que la Bretagne était la première région française pour l'action caritative et les échanges avec les pays. Mais alors, on en parle de ça. Moi, je n'ai jamais vu cette étude, donc moi, ça m'intéresse. Il y a un article dans Armen. Je n'ai pas lu l'article dans Armen. Je me suis trahi. Il y a 4-5 ans. Mais par contre, ça donne aussi envie de creuser justement sur les diasporas bretonnes. Comment elles se sont comportées, elles n'ont jamais été très étudiées, en fait, quoi. Et notamment en Afrique, parce que oui, Madagascar, c'est vrai, il y en a beaucoup. Oui. Vous n'avez pas vu du côté de l'Indochine ? Parce qu'il y a des histoires intéressantes, et je crois que Bernard Lenin avait publié justement l'histoire des aventures de gentilhommes bretons à la fin du. Au moment de la Révolution française. On luttait contre une révolution qui se passait au Vietnam de l'époque, oui. Pour rétablir la royauté, qui ont été faits mandarins par l'empereur, qui avaient contribué à remettre sur le trône, qui ont épousé des femmes vietnamiennes, et puis qui sont revenus finir leur jour en Bretagne, du côté de Bâle, Chéniaud et Vanier, c'est une histoire tout à fait intéressante. Et puis il y a une participation formidable des Bretons à la colonisation de l'Indochine, dans la mesure où cette colonisation s'est faite d'abord par la marine. Oui, c'est Charles Vert. Donc dans la marine, il y avait forcément des équipages. On a le pendant de Bouette, qui est l'amiral Charner, qui qui a conquis la Cochinchine. Son mère, il était... Et Saint-Brieuc, ouais. Ah ouais. Et puis surtout, il y a eu aussi un Auguste Pavie. Explorateur des voilà. Oui, voilà. Auguste Pavie qui est le démarre. Auguste Pavie, voilà, c'est le nom que je cherchais. Tout à fait, ouais. La Dauphine. Voilà, comme qui était très important. Le séminaire était plutôt centré sur l'Afrique et l'Amérique. Oui, Auguste Pavie, c'est grand figure. On a les deux, enfin, oui, plus les missionnaires, évidemment, qui sont allés là-bas, mais... Les missionnaires, on a aussi... Oui, oui. Il y en a sûrement eu, mais... C'était surtout les missions étrangères, il y avait... Oui, c'est ça, c'était les mêmes. Il y avait sur les Bretons, les missions étrangères. Oui, sûrement, je sais. Il n'y avait rien spécialement breton non, au niveau des mêmes. Ah non, non. D'ailleurs, c'est à voir, le musée des mêmes. Ah oui. C'est à voir. La salle des martyrs, c'est... C'est impressionnant. Mais dans tout ce que tu signales, je suis un peu naïf, il s'agit d'une sorte de monopole breton-chrétien où il y a concurrence de protestants, etc. À Haïti, comment ça joue à Haïti, alors je ne sais pas s'ils ont envoyé des pasteurs gallois, mais... Dans l'Haïti actuelle, au niveau des chrétiens, les catholiques deviennent minoritaires. Là, c'est les évangélistes, mais là, je parle de actuellement. Les évangélistes font un tabac énorme. Ouais. Depuis 87, le catholicisme n'est plus religion d'État. Quoi. Et oui, dès le 19e siècle, il y a des évangélisations protestantes qui sont menées à Haïti. Quoi. Ça se développe assez vite. Et avec l'occupation américaine, évidemment, qui a favorisé aussi ça. Aujourd'hui, les évangélistes sont très, très, très, très... Et ils sont venus tous. Ils sont venus où, les évangélistes les États-Unis. Oui, il y a un lien avec Canada-États-Unis. Il n'y a pas eu de pasteur gallois, comme tu disais. On n'aurait plus rien. À propos des pasteurs gallois, j'ai appris un truc assez amusant. J'avais un article où sa missionnaire breton, c'était à Madagascar, justement, et il se plaignait, les Anglais, ils nous embêtent, ils mettent des bâtons dans les roues, tout ça. Puis je raconte ça à un copain gallois, et il me dit, hey, c'est marrant, j'ai le même article. Et il sort l'article, alors les Bretons, les Français, ils nous embêtent, parce qu'ils font comme ça. En fait, c'était des Bretons et des Gallois, donc Français-Anglais, puisque d'après les typologies officielles. Et alors, il y a eu une concurrence, alors ça peut le genre ça, c'était sur l'orthographe du malgache. La façon de transcrire le malgache en alphabet latin. Et il y a eu concurrence entre les Gallois et les Bretons là-dessus. Quoi. Et en fin de compte, c'est les Gallois qui l'ont emporté. C'est pour ça qu'il y a des trucs, des fois, l'orthographe, ça ressemble un peu. Et c'est parce que c'est les Gallois qui ont emporté le morceau. Mais dans les années 1860, il y a eu un projet de colonie brito-galloise en Patagonie qui a échoué sur des motifs religieux qui était porté par Charles de Gaulle, l'oncle. Mais il y a quand même une colonie galloise. Il n'y a que les Gallois qui sont partis. Mais ils ne voulaient pas de papistes. Et d'ailleurs, quand au XIXe siècle, les Gallois commencent à venir en Bretagne pour évangéliser, il y a la réponse du berger à la bergère, et le pape envoie... comment il s'appelait ? Enfin, il envoie plusieurs prêtres léonards au Pays de Galles pour développer des communautés catholiques, qui existent d'ailleurs encore, je crois. Il choisit des Bretons bretonnants pour aller là-bas. Mais dans toute cette histoire, la composante bretonne est quand même assez minime. Parce tout que à fait. Les Bretons ont colonisé des pays d'Afrique, d'Indochine et d'ailleurs au nom de la France. Tout à fait, sans état d'âme. Et les missionnaires au nom du pape. Tout à fait. Donc la composante bretonne elle est quand même très ténue là-dedans. Tout à fait, ouais. Mais à ce propos, puisque donc, les compétitions religieuses de Namibie en particulier ont formé donc, des dirigeants africains, est-ce qu'il y a eu cette traduction de respect du local à travers l'influence bretonne, donc, ou est-ce que c'est le reproche en fonction du modèle français? Parce que certains étaient formés donc, dans les écoles chrétiennes, hein, puis d'autres finissaient à l'ENA par exemple. Est-ce qu'il y a de ce point de vue-là une empreinte quelconque de la Bretagne? Oui. J'ai un exemple, c'est Sassou Nguessou, le président du Congo, qui est marié à une Bretonne, qui est très attaché à la Bretagne. Lui. On m'a raconté, parce qu'il a des faïences de Quimper partout. Mais ça se traduit par... Non, je ne sais pas. Et sinon, j'ai une autre question. Juste avec même les frères de Ploermel, par exemple, dans leurs il y a plusieurs textes de Jean-Marie de Lamennais sur le bilinguisme en Basse-Bretagne, parce qu'à un moment, ils s'implantent, notamment dans le Trégor. C'est d'abord dans le Trégor où il est favorable à ce que les enseignants soient bretonnants, parce que la pratique du français n'est pas développée, quoi. Mais il est jusqu'à ce que la langue bretonne disparaisse, quoi, c'est ça. Il est même plutôt anti-langue bretonne. Donc je pense qu'ils ont formé des gens très classiquement. D'accord. Et sinon, juste une question. Le Négus, j'entends cette phrase, cherche le perfectionnement de sa nation dans les éléments de sa nation. C'est très endogénéisé, ça. Ouais. Et qu'est-ce que ça a eu comme suite? Comme vous l'avez cité. Il a été fait prisonnier, le Jean, donc a été fait prisonnier. Normalement, il n'aurait pas dû rester en Éthiopie, hein, puisque les contacts étaient très faibles. Il y a une concurrence franco-britannique là-dessus, d'ailleurs. En fait, le Négus enfin, je ne suis pas un spécialiste de l'Éthiopie, mais au XIXe siècle, en tout cas, c'est chronique. Les élites en Éthiopie, et les élites urbaines, les villes sont chrétiennes, et les campagnes sont souvent musulmanes. S'ajoute la complexité ethnique du pays. Et donc, au XIXe siècle, le Négus est continuellement en guerre. Il y a des révoltes régulières dans les régions périphériques, quoi. Donc, malgré que ça soit un État très ancien, alors sans rentrer dans les détails, hein, l'Empire d'Éthiopie, ils ont développé tout un discours historique, même dès le Moyen-Âge, faisant remonter le Négus à la reine de Saba. Même une légende qui dit que l'Arche d'Alliance est en Éthiopie. Enfin, et donc, on a à la fois un vieil État, une vieille structure, mais qui ne peut pas contrôler véritablement le pays, quoi. Donc c'est ça qu'il observe, le Jean, hein, dont il rencontre surtout. Mais avec une... il essaye surtout de retranscrire l'extraordinaire diversité qu'il voit en Éthiopie, parce qu'on a vraiment des... Et peut-être l'incapacité, justement, du Négus à créer un État-nation comme on le conçoit déjà au XIXe siècle en Europe, quoi. Oui, mais c'est à l'opposé du colonialisme, puisque... Ouais. D'ailleurs, l'Éthiopie restait le seul pays... Ça a été colonisé, sauf très, très brièvement, par les Italiens. Oui, le Jean, en général, j'ai pas trouvé de discours de lui en faveur de la colonisation. En général, il a surtout travaillé dans des régions, d'ailleurs, qui étaient l'Empire ottoman, la Perse ou l'Est de l'Afrique, quoi. Hors zone, ouais. Enfin, il y a une présence française à Djibouti à un moment, mais... Le point du chronique que tu évoquais tout à l'heure, là, sur est-ce que les Bretons auraient été colonisateurs, ça m'a fait penser à une réflexion qui travaillait Yves Le Gallo dans les dernières années de sa vie. Il disait pourquoi la Bretagne n'est pas devenue un Portugal. Oui. Et quand on avait fait une histoire de Bretagne qu'on avait publiée en breton et en français à Thès, il avait écrit la préface qui était le sursaut d'un destin manqué. Et lui, il pensait que la Bretagne, donc, aurait pu devenir une sorte de Portugal, mais avec cette idée, bon, d'être un pays colonisateur. C'est comme ça qu'il imaginait la Bretagne, connaissant donc les tendances bretonnes à explorer. Il y a quand même une différence, c'est que le Portugal, au XVe siècle, c'est assez extraordinaire, mais met vraiment en point une marine pour conquérir le monde, quoi. Henri le Navigateur et tout ça, l'Académie de Sarre... Ils ont vraiment constitué... ils sont allés petit à petit, ils sont descendus toute l'Afrique. Et il y a vraiment une volonté de mettre en place d'exploration qui est assez extraordinaire et assez unique. Et Colomb aurait dû être portugais. Il aurait dû découvrir l'Amérique pour le Portugal. Et, bon, par un hasard, c'est revenu aux Espagnols. Je pense que oui, en effet, les Bretons auraient développé des comptoirs, en tout cas. Puisque c'est Jacques Cartier qui part de Saint-Malo pour découvrir le Canada, etc. Après, est-ce qu'ils auraient eu la capacité, notamment démographique, à coloniser? Il faut savoir que le Portugal, quand même, est rentré en déclin, a connu un très important déclin à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, parce que la majorité de la population était partie dans les colonies. Quoi. C'est... Le mouvement portugais réclame la connexion avec Anvers à ce moment-là. Ouais. Les bateaux, est-ce qu'il y a une connexion en Bretagne avec Anvers? Le point dynamique, le point central, la ronde de situation. C'est en 1500 que les premiers bateaux portugais arrivent, mais ils vont à Anvers. Ouais. Donc, il aurait fallu, la Bretagne et cette connexion-là. L'autre facteur, c'est que la Bretagne au 15e et au 16e, c'est beaucoup de marins, mais peu d'armateurs. Quoi. C'est les rouliers des mers. Quoi. Ils transportent de tout, on les voit partout. Pinmar est un des plus importants ports d'Europe en tonnage qui arrive. Quoi. Par contre, ils ont du mal à capitaliser. Et ils n'ont pas de grande famille d'armateurs, comme à part l'exemple nantais et sur une très courte période Saint-Malo. Quoi. Mais on n'a pas de phénomène comme justement Anvers, Bruges, où il y a les capitaux, ou alors les ports espagnols et portugais, où arrive l'or des Amériques, où il y a un enrichissement. Les banquiers génois viennent tout de suite à Lisbonne, viennent tout de suite aussi à Antonio, ils ne viennent pas à Brest. Brest, à la rigueur, n'est pas encore formé. Non, mais Arsenal, c'est plus tard. Par contre, c'est la particularité de la Bretagne d'avoir eu des constructions, enfin des villes, des développements de villes étatiques voués à la marine, où, comme Brest, hein, c'est Richelieu qui crée Brest, c'est une petite bourgade autrement. Et Vauban qui la défend contre les Anglais. Et l'autre, c'est Lorient. Quoi. Bon, il y a aussi des arsenaux sur la Loire, mais on a vraiment deux villes nouvelles qui sont créées par l'État, qui expliquent aussi l'implication des Bretons dans la marine, puisque c'est un employeur naturel. Mais la Bretagne est totalement intégrée au royaume de France. Hein. Ah oui, par rapport à notre communauté. Ouais. Avec des particularités quand même, hein, les Malouins, dans les années 1690, ils ont leur propre marine. Ils deviennent corsaires parce qu'ils ont leur propre marine de guerre privée. Ils vont en convoi en Espagne, ils ramènent l'or, ou ils transportent pour d'autres gens, justement, ils les transportent aussi vers l'Europe du Nord. Mais avec des vaisseaux armés, ils ont le personnel, ils ont les marins, justement, qui leur permettent. Et quand le Royaume de France entre en guerre contre la Grande-Bretagne et la Hollande, c'est les seuls qui peuvent un peu embêter la Grande-Bretagne sur la mer. Quoi. Parce que la marine française n'est pas assez développée. Donc on a quand même un phénomène un peu particulier. Et qui sont attaqués par les Anglais. Oui, aussi. Mais on les voit, ils ont monopole du commerce avec la Chine pendant quelques années. Ils vont trafiquer de l'or et de l'argent au Pérou. Ils ont un monopole aussi sur le café. Enfin, c'est... tout ça avec quelques familles concentrées dans une petite ville, quoi. Et surtout on les retrouve, ils ont toujours leurs hôtels particuliers, on peut les voir à Cadix, les maisons de commerce malouines, ou alors à San Lucar de Barrameda, qui est un peu l'avant-port de Séville, où là il y a carrément le barrio des Bretonas, le quartier breton qui est toujours identifié au lieu de passage. Et San Lucar de Barrameda, c'est de là que part Magellan pour son tour du monde. C'est là où arrive l'or, quoi. C'est tout le XVIe siècle, quoi. C'est une richesse extraordinaire. C'est toujours ce qu'on dit, le destin malheureux de la Bretagne, c'est le défaut d'une forte bourgeoisie nationale, sauf la Nantes et Saint-Malo. La Bretagne, à l'époque, était très riche en noblions, mais très pauvres en bourgeois. Or, la bourgeoisie, c'est la seule classe dynamique et la seule classe révolutionnaire qui ait jamais apparu dans ce monde. Il y a une autre chose qu'on dit qui est très, très proche, c'est le rapport à l'argent des gens qui gagnent de l'argent, notamment dans Léon. Donc le fait qu'il ne se développe pas une démarche de type capitaliste, parce que l'argent est considéré comme quelque chose de sale, quoi. Donc on gagne de l'argent, mais on ne va pas le faire fructifier. Ah oui, c'est les curés. Mais oui, ça c'est les paroissiaux. Voilà, on fait des calvaires, on les appelle paroissiaux. Ou comme les Malouins, parce qu'à partir de 1715, Saint-Malo rentre en déclin parce que ils ont acheté des charges pour être anoblis, quoi, avec des sommes astronomiques qu'ils versent au roi de France. Et ils dépensent tout là-dedans. Et la manufacture des toiles périclite parce qu'ils n'ont pas de quoi investir dans des moyens de production autres et passer à un stade vraiment industriel. Quoi. Quoi, tout à fait, C'est sûr qu'il y a une influence du catholicisme. Il y a que la traite qui rapportait bien. Hein? Il y a que la traite qui rapportait bien. Et malheureusement, elle a été abolie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un entrepreneur puritain en Bretagne. Qu'on se convertisse. Parmi les uchronies, il y avait. Parce que moi, j'ai fait une intervention sur Montserrat, ici, ouais. La petite île, là. Bah, oui, c'est bien. Ensuite, j'ai fait un avant-article dans Amen. Il y a une question d'un chercheur canadien qui s'appelle Atkinson, qui est d'origine irlandaise et qui demandait If the Irish run the world, donc si c'était les Irlandais qui s'étaient retrouvés à la place des Anglais, et il s'est focalisé sur Montserrat et il a trouvé que les colonisateurs irlandais de Montserrat avaient exactement le même genre d'attitude, pas plus d'empathie ni quoi que ce soit envers les esclaves noirs que leur maître anglais. Quoi. Relation de demi-toi, demi-toi. Ouais. De toute façon. Mais il y a les je sais pas, il n'y a pas d'études. Hein. Moi, je ne suis pas allé, mais il y a l'exemple des saintes à côté de la Martinique ou la Guadeloupe. Ah oui, trois jours. Où là, on a des Bretons noirs, quoi. Ah oui. Au niveau des faciès, c'est assez amusant. Ouais, j'étais allé peut-être là-bas. Mon frère qui est allé, mais c'est assez amusant. Ouais. Qui fait penser un peu à Montserrat. Enfin, ils ont des traits de Bretons, mais noirs. Mais noirs. Oui, puis ils s'appellent le Gal. Ou le... Voilà, c'est exactement ça. Mais bon, j'ai pas plus de. Voilà, un prochain article pour toi, alors après Montserrat, c'est ça. Personne ne veut faire les Bretons de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, est-ce qu'on a épuisé les questions? On va pouvoir aller manger ensemble pour ceux qui restent. Et donc, je vous rappelle, la prochaine intervention, ce sera le 14 janvier, Arlette Gauthier, les familles antillaises et la France de l'esclavage.